Je n'ai jamais choisi d'être amoureux de toi, mais voilà. Je n'ai jamais choisi de ne penser qu'à toi, mais voilà. À la médiathèque ou au bistrot, tu me hantes un peu trop. Dans les angoisses de la bière, je m'enterre. Je n'ai jamais choisi d'être amoureux de toi, mais voilà. Je n'ai jamais choisi de redevenir jaloux pour toi, mais voilà. Au marché de Noël le soir, dans les poches, je persévère. Je m'enterre. Je m'enterre.